Chapitre 6e. Rampant sur les tuiles moussues et moisies, Iko Teruka atteignit rapidement le toit de la maison de jeu. Il s'approcha d'une des cheminées et constata que le conduit était garni à l'intérieur d'une croix de fer destinée à empêcher d'y passer. Le grand détective ne s'émut pas. À l'aide du poignard à lame épaisse dont il s'était muni, il eut au fait de déceler la croix, d'autant plus que les briques dans lesquelles elle était encastrée étaient usées et s'effritaient facilement. Iko Teruka, d'un regard jeté autour de lui, s'assura que nul ne pouvait le voir, puis se laissa glisser dans l'étroit conduit, en se retenant avec les mains et avec les genoux, afin de ne pas descendre trop vite. À 5 ou 6 mètres plus bas que le toit, la cheminée débouchait sur une vaste cuisine faiblement éclairée par une lanterne de papier huilé. Iko Teruka, ayant secoué la suie dont il était couvert, sortit de la cheminée. Il vit devant lui un amas d'objets de toutes sortes, caisses de thé, caissettes d'opium, cages de bois, bibles de laque et de porcelaine, bouddhas de bois doré, sandales de paille tressée, petits meubles en bois de teck, que recouvrait une épaisse couche de poussière. Iko Teruka marcha vers la porte placée en face de la cheminée. Il allait en saisir le loquet, lorsqu'il s'arrêta net en apercevant une sorte de tache verte peinte sur le panneau et en partie grattée. Il l'examina. Ce qu'il avait pris pour une tache était un dessin. Bien qu'il eût été gratté et lavé, le grand détective japonais reconnut qu'il représentait un scorpion. Pourquoi ce scorpion était-il peint sur cette porte? Iko Teruka pensait qu'il le saurait plus tard. Il ouvrit et vit devant lui un petit escalier de pierre aux marches usées. Avant de s'y engager, il écouta et n'entendit rien. Lentement, il descendit les marches. Il en compta 16. La 17e était formée par une large dalle. Et après, c'était une muraille. Impossible d'aller plus loin. L'escalier ne conduisait nulle part, en apparence du moins. Iko Teruka, se retenant à la muraille latérale, appuya doucement son pied sur la dalle. Il entendit un déclic sec, et brusquement, la dalle bascula, découvrant l'orifice d'un puits. Iko Teruka n'eut que le temps de se rejeter en arrière pour ne pas être précipité dans le vide. Il attendit quelques secondes, et ayant pressé le bouton de la puissante torche électrique qu'à tout hasard il avait eu soin d'emporter, il se pencha sur le puits pour essayer de voir ce qu'il contenait. Il ne put rien distinguer sinon que le puits était profond. Il allait remonter lorsque du trou un cri rauque monta jusqu'à lui. Il frémit, se pencha de nouveau sur le puits et se retourna d'un coup en distinguant derrière lui un léger grincement. Un grand manchou, un casse-tête au poing, descendait l'escalier. C'était le crissement de ses sandales contre la pierre que le détective japonais avait entendu. 3 marches seulement séparaient les 2 hommes. Iko Teruka se baissa, et empoignant le manchou par les chevilles, le souleva et lui fit perdre l'équilibre. Il tomba. Iko Teruka en profita pour s'emparer du casse-tête qu'il avait laissé échapper en essayant de se retenir, et lui emporta un coup furieux en plein front. Le manchou fit entendre un long hurlement, se renversa en arrière et ne bougea plus. Iko Teruka se pencha sur lui. Il n'était pas mort. Vivement, il lui enleva la ceinture enroulée autour de ses hanches et s'en servit pour lui lier poignets et chevilles. Après quoi, il lui enfonça légèrement son poignard dans le gras du bras, sur un centre nerveux extrêmement sensible. Le manchou, sous l'effet de la douleur, reprit instantanément connaissance. « Tu vas me dire qui est dans ce puits ou je t'y jette !» souffla le grand détective à l'oreille de son prisonnier.